On ne sait pas qui il est, on ne sait pas d'où il vient. Il est né avec la rosée du matin, une rose entre ses mains. Voyageur de l'infini, jeune prince de la lumière, tu connaissais tous les secrets de la nuit, les chemins de l'univers. J'attendrai ton retour jusqu'à la fin des jours. J'attendrai ton retour, prince blond de l'amour. Il est venu. Il n'a vu qu'un grand désert, quelques fleurs sauvages, un renard argenté et un poète égaré. Il s'ennuyait bien souvent de sa rose, de ses volcans. Il a demandé au serpent, son ami, de le ramener.